Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, naissance, mort et renaissance du tramway. C'est aujourd'hui que nous allons de l'avant et que nous faisons entrer Québec dans la modernité. Fini le temps où Québec était seule, la seule des grandes villes canadiennes, à ne pas disposer d'un système de transport collectif moderne et structurant. Le maire de Québec, Régis Labeaume, au moment où il dévoile son projet de tramway le 16 mars 2018, Québec fait partie de ces nombreuses villes qui ont décidé de revenir au tramway ces dernières années et d'ainsi faire de ce mode de transport qu'on a longtemps associé au passé un mode de transport d'avenir. Études terminées, se demanda dans la vie où se diriger. C'est alors qu'après avoir tout consulté, il s'est écrit je serai conducteur de tramway. Les conducteurs, c'est bien les conducteurs percevant les taux de passage, c'est bien un peu à bonne franquette. Les gens qui allaient au théâtre, de la rue Côté, il y avait les gens de l'Ouest, c'était presque tous des Anglais. Mm-hmm. Puis les Canadiens de l'Est. Alors, les conducteurs, peut-être tous les Canadiens français, quand ils reconduisaient les gens dans l'Ouest, ils faisaient payer 5 cents de plus parce que c'était des Anglais. Prenez garde aux portes, on repart! Sur la samba du tramway interprétée par Muriel Millard en 1951, vous entendiez un Montréalais se souvenir de la belle époque du tramway à l'émission Les Forains du 20e siècle diffusée en 1966. Pour nous raconter l'histoire du tramway, je reçois Harold Bérubé, qui est professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Harold Bérubé, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça représente, cette petite histoire du tramway, Harold Bérubé, dans cette plus vaste histoire du développement des villes? Bien, c'est un élément majeur. Le tramway apparaît tel qu'on le connaît là, dans la deuxième moitié du 19e siècle, et il permet vraiment de redessiner la forme de la ville complètement. C'est la première véritable forme de transport en commun là, qui restructure l'espace urbain, le rythme quotidien pour ce qui est de la vie des gens. Donc, pendant un demi-siècle, un trois-quarts de siècle, là, c'est vraiment le mode de transport dominant dans l'espace urbain en Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment une donnée importante là, pour comprendre la forme, l'évolution des villes. C'est plus qu'une technologie. Ça change, c'est ça, bien sûr. C'est l'évolution de la technologie, mais ça change, comme vous le disiez, la vie, l'organisation de la vie dans les villes. C'est ça qui est intéressant. Oui, absolument, absolument. Quand on parle du tramway. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, cela dit, donc 19e siècle, oui. Les premiers tramways. Peut-être un mot pour nous rappeler d'où on part avant le tramway, avant le transport collectif, comme on le connaît aujourd'hui. Comment on se déplace dans les villes? Mais c'est ça, il faut vraiment souligner à quel point c'est une révolution au niveau des transports à la ville. Si on prend seulement l'Amérique du Nord, là, de l'arrivée des colons européens jusqu'au 19e siècle, c'est une ville piétonne. Ouais. Il y a des animaux en ville et tout ça, mais la majorité des gens bourgeois comme simples artisans se déplacent à pied. C'est une ville piétonne, donc c'est une ville très dense, très ramassée. On n'a pas l'opportunité d'étaler la ville dans l'espace énormément, puisqu'il faut se rendre là où on habite, où on travaille, etc., à pied. Donc, c'est vraiment le mode de transport dominant. Et donc, vous mettez vos souliers, vous déplacez dans l'espace. Donc, l'arrivée du transport en commun va changer ça de manière vraiment radicale, donc permet à la ville de s'étendre comme elle ne s'est jamais étendue et va vraiment dicter la façon dont cet étalement-là donc, se fait dans l'espace et dans le temps. Et cette transformation se fait graduellement. Oui. Il y a une petite révolution avant même l'invention du tramway qui va arriver avec ce qu'on appelle l'omnibus, qui est un peu l'ancêtre du tramway, oui, Harold Bérubé. C'est quoi un omnibus? Oui, donc c'est important de parler de l'omnibus. C'est le premier moyen de transport qui vient un peu rompre ce règne donc, du piéton. Donc c'est une invention française, mais qui va débarquer en Amérique du Nord à la fin des années 20. Donc c'est sur la rue Broadway à New York, 1829. Donc un entrepreneur décide de prendre essentiellement un grand chariot, un wagon. Donc tiré par des chevaux sur roues et il va combiner en quelque sorte là, les caractéristiques du fiacre, essentiellement un taxi à cheval là, qu'on prenait dans la ville et de la diligence qui reliait deux villes là, sur un horaire régulier et tout simplement combiner ça et appliquer cette technologie dans l'espace urbain. Donc il est possible de se déplacer en omnibus sur des lignes régulières à des heures fixes avec un tarif qui ne change pas. Donc ces véhicules-là, il faut les imaginer, là, ce sont des wagons pas très confortables dans lesquels on peut asseoir une douzaine de personnes en général. Qui qui se déplacent dans des voies qui sont plutôt congestionnées. Donc, il y a des chevaux, il y a des piétons, etc. Donc, ce n'est pas le mode le plus rapide ou le plus confortable qui soit. Ouais. Mais c'est déjà une petite révolution. Et donc, on paye un montant fixe qui est quand même assez élevé pour l'époque. Il faut le dire, c'est un luxe jusqu'à un certain point. Un simple ouvrier ne pourrait pas prendre l'omnibus matin et soir. C'est quelque chose qui ne serait pas possible. Ouais. Donc, c'est quand même quelque chose qui est utilisé plus par les gens de la classe moyenne et de la classe aisée. Mais donc, on a un premier moyen de transport comme ça, régulier, qu'on peut utiliser sur les voies les plus achalandées de la ville. Et très rapidement, c'est un moyen de transport qui a une grande popularité là, à New York. Rapidement, on a des centaines d'opérateurs, des centaines de lignes qui fonctionnent en parallèle là, dans la ville. Puis déjà, on voit, il y a le mode de transport qui change, évidemment. On se déplace autrement. Mais plus que ça, on entre dans, on le disait, dans la vie des gens parce qu'il y a le début d'une organisation du transport dans la ville avec, vous le disiez, des lignes, des horaires. Donc, ça régente un peu la vie des gens. Oui, si on combine un peu l'horaire des transports en commun avec l'horaire le plus en plus prégnant des usines du travail industriel, et on a vraiment deux ensembles là, qui vont commencer à conditionner vraiment l'horaire quotidien des citadins. Là, les gens, leur mode de vie rythmé commence déjà à être rythmé par l'usine, par la capacité à se déplacer vers le lieu de travail. Donc, on a vraiment une organisation de l'horaire qui se fait autour en bonne partie du transport en commun. Oui. Donc, il y a l'omnibus qui existe déjà à ce moment-là. Puis, on assiste parallèlement au développement de l'omnibus, au développement du train de banlieue, Harold Bérubé. Puis, c'est un peu, au fond, la fusion entre ces deux modes de transport qui va finir par conduire au tramway. Oui, exactement. Donc, le train, ce qu'on entend par train de banlieue, donc les trains au milieu du 19e siècle, donc les réseaux ferroviaires américains et canadiens se développent rapidement, relient les villes entre elles, et rapidement, certains opérateurs vont s'apercevoir qu'il y a un profit à faire, à avoir quelques arrêts en périphérie de la ville. Donc, à Boston, par exemple, à Montréal, on le voit beaucoup dans l'West Island, où il y a plusieurs gares donc qui apparaissent, là, notamment dans la grande municipalité de Pointe-Claire. Et chacun de ces arrêts-là devient une petite banlieue, un site d'abord de villégiature, puis ensuite, les gens y habitent de manière permanente. Donc, vraiment, la combinaison des deux, effectivement, va mener au tramway, la régularité donc, des lignes de l'omnibus, puis la capacité donc, à se déplacer par transport sur rail. Donc, l'omnibus apparaît à Montréal en 1848, va relier la gare Bonaventure au port de Montréal, et le train, donc, comme je vous le disais, on va voir surtout dans le West Island se développer là, comme ça des tracés, des arrêts réguliers en banlieue de Montréal. Oui, puis encore une fois, ce mode de transport n'est pas qu'un mode de transport. Le train de banlieue, vous le disiez, c'est des chalets, mais ensuite, c'est des maisons, des résidences. Donc, l'étalement urbain, le développement urbanistique des villes va... Le tramway, le train de banlieue, le transport public va contribuer à la façon dont on va développer les villes de manière urbanistique. Le tramway comme tel, il apparaît quand? Donc, en bonne et due forme. Encore New York. La New York and Harlem Railroad Company. C'est elle qui va avoir la bonne idée, la première, de combiner l'omnibus et le train, donc en 1832. Donc, c'est vraiment une transformation majeure, hein, c'est-à-dire donc on installe des rails dans les rues de la ville, au centre de la rue pour faire rouler les tramways, et ça transforme vraiment le mode de transport de manière importante pour deux ou trois raisons. D'abord, évidemment, ça simplifie les questions de congestion. Les omnibus se déplaçaient de manière, comme je vous le disais, assez difficile à travers le trafic urbain et tout ça. Donc maintenant, on a des lignes qui sont consacrées spécifiquement aux tramways. Donc, régularité dans les transports, on se fait aussi un peu moins brasser dans le wagon que sur les routes carters, donc qui étaient là avant. Et surtout, le même équipage de chevaux est capable de tirer beaucoup plus de passagers. Donc, il y a un gain en termes d'énergie et d'efficacité. Donc, on peut construire des wagons beaucoup plus grands, transporter une vingtaine, une trentaine de personnes. Et un autre aspect très, très important, et là qui est un changement encore plus révolutionnaire, l'omnibus suivait la population. C'est-à-dire, s'il y avait une concentration de population dans tel ou tel quartier, sur telle avenue, l'omnibus pouvait se déplacer et suivre. Et il suivait sa clientèle. Ouais. Le rapport est inversé avec le tramway sur rail. C'est-à-dire qu'une fois qu'on installe les rails, c'est une infrastructure permanente qui est assez coûteuse. Donc, les entreprises de tramway vont viser évidemment les grandes artères et en plus vont en quelque sorte dicter le développement de la ville. Ouais. C'est-à-dire les promoteurs voient si un tramway s'installe dans tel ou tel secteur. Ce sont maintenant les promoteurs qui suivent le tramway et c'est la population qui suit le transport en commun. Donc, on a vraiment un effet structurant là, qui est révolutionnaire et qui donne au tramway là, un poids tout à coup très important dans la manière dont les villes se développent. Et le début donc du tramway, c'est l'apparition de rails. Il y a une deuxième étape qui va arriver assez vite, qui sera aussi une espèce de petite révolution, c'est le câble, le tramway tiré par câble. Exact. Donc, on va continuer à utiliser les chevaux pendant un certain temps. Donc, dans les grandes villes, on parle, il faut le dire, c'est des milliers de chevaux qui sont nécessaires pour tirer les différentes lignes de tramway. C'est des centaines et des centaines de wagons qu'on déplace à travers la ville. Donc, rapidement, certains inventeurs, certains ingénieurs vont chercher une manière de mécaniser donc, le transport en tramway. La première solution qu'on va trouver, c'est une solution qui, en fait, on s'inspire des mines britanniques qui utilisent ce système-là. C'est un câble souterrain qui est tiré par par la vapeur. Et on va d'abord utiliser cette méthode-là à San Francisco. Donc, San Francisco qui est connu pour sa topographie assez difficile. Ouais. Les chevaux ont toutes les misères du monde à escalader ces pentes-là. Donc, c'est là qu'on va appliquer en premier, comme ça, le système par câble. Mais c'est à Chicago qu'on va vraiment le développer dans une grande ampleur, de manière d'ailleurs assez coûteuse. Donc, c'est la première forme de mécanisation du tramway, mais très rapidement, on cherche d'autres solutions que le câble à vapeur. C'est plus efficace, plus rapide, mais aussi, lorsqu'il y a des bris, c'est un cauchemar. Ouais. Ça demande des conducteurs également, donc de tramways plus versés dans les technologies. Donc, on va se tourner vers l'électricité. Et à ce niveau-là, donc, c'est en 1886 que la révolution électrique donc, va apparaître. Deux inventeurs, un inventeur belge, Charles Van Doppel, j'espère ne pas trop massacrer son nom, et l'électricien Frank Sprague vont tous les deux inventer un peu en parallèle différents types de tramways électriques. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment une révolution. Ouais. Ça demande des infrastructures un peu moins complexes que par câble, plus grande efficacité. Et là, c'est vraiment le système qui va se diffuser à travers donc, l'espace nord-américain. Et évidemment, Montréal va faire partie de ce mouvement du tramway. Il reste que ce sera la dernière grande ville canadienne à avoir un tramway électrique, Montréal, alors qu'elle est effectivement, oui, à ce moment-là, la métropole du pays, Harold Birubé. Toronto a déjà son tramway, oui, à ce moment-là. Exact. Pourquoi? Différentes raisons. La principale est que la compagnie qui est en place, qui est la Montreal Street Railway Company, on aura l'occasion d'en rediscuter. Donc, c'est une entreprise privée qui a essentiellement le monopole sur le fonctionnement du tramway. Un monopole dont elle s'empare en 1886. Elle va freiner un peu. Les élus montréalais sont intéressés par le tramway électrique. La compagnie, et on va voir que c'est un problème récurrent, refuse d'investir les sommes monumentales qui seraient nécessaires donc, pour la transition vers l'électrique. Et donc, c'est seulement en 1892 qu'on va finalement le faire. On crée une première ligne qu'on va surnommer la fusée, The Rocket. et après cette première ligne-là, ça va aller très rapidement. Donc, entre 92 et 99, toutes les lignes ou presque vont être électrifiées et les chevaux disparaissent donc, de l'espace urbain, en tout cas comme moyen de locomotion là, pour le tramway. Le tramway, c'est plus qu'un simple mode de transport, on l'a déjà dit, ça fait partie de la vie d'une ville. C'est un lieu de socialisation aussi. Oui. Et ce sera, dans le cas des États-Unis, en tout cas, un lieu de fortes tensions raciales assez rapidement. Exact. Donc, à partir de la fin du 19e siècle, le prix pour accéder au tramway baisse progressivement. Comparé à l'omnibus, ça devient quelque chose de plus accessible pour les gens ordinaires. Donc, il commence à avoir une mixité sociale dans les tramways. Et évidemment, dans le cas américain, spécialement dans le Sud, ça crée des tensions très importantes sur lesquelles il faut s'arrêter. Donc, évidemment, c'est la question de la ségrégation raciale. Donc, très rapidement, dès la fin des années 1860, là, dans le sillage de la guerre de sécession, il y a des tensions autour de la présence ou non donc, d'Afro-Américains dans les tramways. On cherche à les exclure de ce moyen de transport-là. Dans plusieurs villes, on va rapidement mettre en place une ségrégation. Pour donner un exemple, à la fin du 19e siècle, en Nouvelle-Orléans, donc les tramways que les Afro-Américains peuvent fréquenter sont identifiés clairement par une étoile. Ils ne peuvent pas donc entrer dans les autres tramways. Évidemment, on a en mémoire le cas de Rosa Parks qui va se lever littéralement donc contre cette ségrégation. Mais il faut dire que dès le début du 20e siècle, dès les années 1900, il y a beaucoup de campagnes qui sont organisées par les Afro-Américains aux États-Unis dans le cadre du tramway pour mettre fin à cette ségrégation-là. Donc, très rapidement, le problème se pose, même si la résistance est énorme, évidemment, et que c'est seulement dans les années 1950, évidemment, que ça va aboutir là, avec le mouvement des droits civils. Ouais. On revient un petit peu à la forme d'exploitation des tramways. Vous disiez que pour ce qui est de Montréal, le fait que la compagnie qui offre le service soit réticente à investir pour donner son premier tramway électrique à Montréal a ralenti le fait que Montréal ait un tramway électrique. Comment ça marche, en fait? Qui gère, depuis le tout début, au 19e siècle, l'exploitation des tramways? Puis comment va évoluer la cohabitation, je dirais, entre ces exploitants privés et les pouvoirs publics qui doivent réglementer, gérer, absolument, parfois carrément exploiter le service? Absolument. Donc, c'est une question vraiment embêtante pour les pouvoirs publics. Hein, c'est-à-dire que donc, ces services de transport en commun sont offerts dès le départ par des entreprises privées. Ce sont des opérateurs de plus en plus gros qui vont se lancer là-dedans. Quand le tramway sur rail apparaît, ça demande des dépenses beaucoup plus grandes que pour l'omnibus, par exemple, où il s'agissait d'avoir un wagon puis quelques chevaux. Donc, des entreprises de plus en plus grandes qui vont occuper l'espace, qui vont également devoir avoir des permis de la ville, des permis du gouvernement, donc pour faire des travaux dans les rues, installer le rail, etc. Donc, les gouvernements municipaux se tournent vers ces entreprises et deviennent de plus en plus dépendants de ces entreprises, donc pour l'entretien de ce service-là. Ce sont des entreprises qui, à mesure qu'elles grossissent, elles vont souvent offrir un service qui n'est pas toujours à la hauteur, c'est-à-dire que comme les dépenses en infrastructure sont importantes, importante. On va desservir les secteurs les plus fortunés, les plus denses. On va laisser de côté les quartiers ouvriers plus souvent qu'autrement. Dans le cas de certaines villes, on néglige l'entretien des wagons de manière assez importante. On promet de ne pas augmenter les tarifs, mais on va le faire. Donc, il y a toute une tension là, entre l'entreprise privée et les pouvoirs publics à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de réformistes donc, qui luttent pour essayer justement de brider jusqu'à un certain point là, les entreprises privées. Donc, dans plusieurs villes, on voit concentration de ces entreprises-là. Je vous donne, par exemple, à Montréal, en 1911, c'est la Compagnie des tramways de Montréal là, qui va absorber toutes les compagnies. Il existait 2 ou 3 compagnies sur le territoire montréalais. Donc, ça a des avantages pour les Montréalais. Ils n'ont plus à payer 2 ou 3 compagnies différentes pour leur... ils ont maintenant des transferts et tout ça. Mais en même temps, l'entreprise a maintenant un monopole complet sur le service et son service en souffre beaucoup. Et le gouvernement montréalais va réagir finalement en 1918. On va créer la Commission des tramways de Montréal. À Montréal, comme dans d'autres villes comme ça, on va essayer de surveiller, de superviser donc, les compagnies de tramway. Et effectivement, après 1918, on voit une certaine amélioration là, des services offerts avec l'arrivée donc, de cette surveillance étatique. Puis éventuellement, carrément, une prise en charge par les pouvoirs publics, les sociétés publiques, là, comme c'est le cas dans les grandes villes canadiennes aujourd'hui. Transport public mené, géré par les villes. Le déclin du tramway, ça apparaît quand et qu'est-ce qui l'explique? Oui, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que le tramway disparaît après avoir vécu ce long âge d'or? Donc, il y a différents facteurs qui vont venir jouer contre le tramway. D'abord, je vous ai parlé donc la création de cette commission en 1918. Une ou deux années plus tard, on voit se multiplier dans les rues des villes les voitures. Donc, l'automobile est là depuis un certain temps, mais c'est vraiment durant l'entre-deux-guerres qu'elle se généralise comme moyen de transport. Donc, ça pose 2 problèmes. D'une part, la plupart des gens qui ont les moyens d'avoir une voiture préfèrent évidemment la voiture au tramway. Deuxièmement, l'arrivée des voitures dans l'espace public fait que tout à coup, le tramway, même sur rail, devient, aux yeux des automobilistes, c'est vraiment embêtant et ça crée des congestions monstres. La cohabitation des 2 moyens de transport n'est pas facile. Autre série de problèmes, la mauvaise gestion des services que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, les gens se plaignent évidemment des tarifs, de la mauvaise qualité parfois des services, des horaires qui ne sont pas toujours respectés, des secteurs qui ne sont pas desservis. Il y a aussi beaucoup de grèves dans les années 20, là, dans les grandes villes nord-américaines, dans le secteur des tramways. Les conducteurs veulent de meilleures conditions de travail. Donc, tout ça fait que dans les années 20, et particulièrement en 30, hein, avec la crise économique des années 30, donc la qualité du service se détériore, les gens se détournent un peu du tramway, et apparaît également, il faut le dire, dans les années 20-30, hein, l'autobus, donc, qui est un moyen de transport beaucoup plus flexible. À Montréal, dès 1919, on le mentionnait tout à l'heure, hein, autobus au diesel, on ne dépend plus des rails, donc il y a une certaine flexibilité. Donc, tout ça vient jouer contre le tramway. Après 3 ans de travaux, vivement critiqués par les riverains et les commerçants du quartier, le nouveau tramway parisien, long de 8 km, est finalement fonctionnel. Il doit transporter 100 000 passagers par jour, le double de l'ancien circuit d'autobus. À bord de la rame, pour ce trajet inaugural, le maire de Paris, Bertrand Delanoë. C'est une amélioration considérable pour les usagers, et en particulier pour les personnes handicapées et les parents avec poussettes. C'était une autoroute urbaine avant, hein? Bon. Vous pensez que la polémique est derrière vous? J'essaye de m'en préoccuper moins que du travail à accomplir. La polémique est loin d'être terminée. L'opposition municipale estime que le tramway, prioritaire aux nombreux carrefours, va encore augmenter les embouteillages aux portes sud de Paris. Les Parisiens, eux, semblent partagés. Moi, personnellement, ça ne m'importe rien du tout. On n'a pas tellement l'occasion de le prendre. Bien, je trouve ça très bien. Hein. Pour le travail, ça sera très bien. Et ça évitera effectivement de tomber dans les embouteillages et tout ça. Oui, mais pour moi, c'est un plus, oui. Le nouveau tramway, silencieux et climatisé, a coûté plus d'un demi-milliard de dollars canadiens. Invité à l'inauguration, le maire de Montréal, Gérald Tremblay, y voit un exemple. C'est de la prévention au niveau de la santé, au niveau des gaz à effet de serre, au niveau de la pollution. Quand on le considère comme un investissement et non une dépense, il y a moyen d'accélérer la réalisation de projets structurants pour notre métropole. Selon un sondage, les 2/3 des Parisiens, échaudés par les incessants travaux de voirie, jugent que la circulation est le grand point noir de l'administration municipale. Reste à voir si l'arrivée du tramway va changer leur perception. Et ici Hugues Poulin, Radio-Canada, à Paris. Depuis quelques années, on assiste, vous venez de l'entendre dans ce reportage, à un retour du tramway. À Paris, ça s'est fait en 2006. Pourquoi ce retour du tramway à Harold Bérubé? Comment expliquer ce phénomène-là? C'est une bonne question. On l'a vu dans le premier clip là, où Régis Labeaume voit dans le tramway un moyen de transport moderne. Ouais. Donc, il y a certainement le fait que le tramway électrique, en tout cas, un impact environnemental assez faible. Il y a également, je pense, une volonté de recapturer donc, son moyen de transport. J'ai peut-être plus élégant, plus efficace que ce qu'on observait auparavant. Donc, c'est clair qu'il y a une sorte de volonté là, d'aller le rechercher. Et donc, il y a certains exemples. Déjà, Portland a été la première ville à ramener le tramway avec grand grand succès dans les rues de la ville en 2001. Et c'était vraiment la conscience environnementale là, qui était le moteur un peu de cette réintroduction. Et depuis ce retour-là, ben, presque en fait, un grand nombre de villes nord-américaines ont en chantier des projets donc, de retour de tramway ou, comme à Montréal et Québec, en discutent là, activement. Ouais, puis c'est comme pour le reste, en fait, quand on s'intéresse au développement urbain, au plan d'urbanisme, souvent le développement des quartiers centraux, la proximité, la cohabitation, commerce, résidence privée. Au fond, on ne réinvente pas la roue, puis on se rend compte que les quartiers centraux, par exemple, en développement urbain, on avait déjà trouvé la solution, puis c'est un peu ça qu'on essaie tout simplement de recréer. C'est une double vie que mène le cabolecar dans les rues de San Francisco. Le matin et le soir, pour les écoles de Chinatown, les entrepôts de l'Embarcadéro ou les bureaux de South Market. Les voitures sont plus rapides, la montée et la descente en marche sont autorisées, les grappes humaines s'accrochent sur les marchepieds et le billet est meilleur marché. Et puis, le restant de la journée, il y a le rythme plus paisible de la promenade touristique où les caméscopes remplacent les attachés-caisses. Ils ont supprimé plus de 10 lignes en 64. Et au début des années 80, quand ils ont voulu retirer le cable-car, toute la ville s'est mobilisée. On a monté des associations partout et on a tous donné de l'argent. Même et surtout les gamins des écoles d'ailleurs. On s'est battu et on a gagné. Si le cable-car existe encore, c'est uniquement grâce à la volonté des San Franciscains. Extrait d'un reportage sur le tramway de San Francisco diffusé à l'émission de France 3 « Faut pas rêver » en 1992. Il y a des villes, il y a donc des villes à Rolbérubé où le tramway, San Francisco en est une, où le tramway n'a jamais disparu. Il y en a d'autres, Toronto, chez nous et puis quelques autres. Exact. Quelle ville d'abord et pourquoi c'est dans ces villes-là le tramway a survécu? Oui, bien ça c'est une question intéressante. Et pourquoi a-t-il survécu dans ces villes? On l'a entendu, ce qui est intéressant, la Nouvelle-Orléans et San Francisco par exemple, ce sont pour des raisons essentiellement parler d'une persistance patrimoniale. Hein, on a associé étroitement l'image de la ville à ce mode de transport. On l'utilise évidemment dans les transports de tous les jours, mais aussi beaucoup pour attirer les touristes et le tourisme. Donc, c'est ce qui explique en bonne partie la persistance et on l'a entendu, la réaction de la population qui ne veut pas qu'on lui enlève ce moyen de transport. Le cas de Toronto est plus intéressant parce que le cas de Toronto, ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas du tout pour des raisons touristiques qu'on l'a conservé. C'est le seul réseau de tramway de première génération comme ça qui persiste et qui continue à grandir de manière ininterrompue au 20e siècle. Et je pense que ça s'explique par une différence importante. Toronto va municipaliser le service très, très tôt. Dès 1921, la Toronto Transportation Commission municipalise tout le service, va bien l'entretenir, s'assurer justement qu'il ne se dégrade pas comparé à ce qu'on voit ailleurs et va réussir à le maintenir avec un grand succès, malgré la volonté de Rob Ford, on se souviendra qu'il il y a quelques années, avait pensé à l'abolir et avait quand même suscité là, aussi des réactions de la population qui voyait un moyen de transport là, tout à fait moderne et adaptée aux besoins des citadins aujourd'hui. Et puis d'autres villes, Nouvelle-Orléans, entre autres, où le tramway a toujours été là. Exact. Harold Bérubé, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke, collaborateur régulier de l'émission. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.